Quand Charlotte rencontre Grégoire, et qu'il se passe des drôles d'affaires, ça fait un Frédéric, un Jean-François, et un Charlotte rencontre Grégoire, et qu'il se passe